temps d'été, extrait. Dans le temple de la vie, se dessinent des envies à l'amoureuse frontière, des anneaux de fer. Était-ce conciliabule, cette urmie de terpitude, ce lourd discussionnae à l'automne de l'été, plongeant dans la rivière fauve, des flammes de l'eau rougie, par la pierre de l'aube, et l'argile angulaire, joue la mèche de matière, biseau de lumière bleutée, asphalte de soleil brûlé, pentu aux collines de source. Dans le temple de la vie, se dessinent des envies à l'amoureuse frontière, des anneaux de fer. Damoiselle brume d'amour, demoiselle sous la lune, pas de cœur et d'horizon qui ne plaise à la chanson. Était-ce conciliabule, cette urbine de turpitude, ce lourd discussionnaire.